ville, ce meurtre de salaud, bel alibi. Un terrain vague dans un sursaut, à coup de savate, une vie d'amour pour $2 finit sa vie. La ville éclate le petit jour, mange la nuit. La ville, ce meurtre de salaud, bel alibi. Un terrain vague dans un sursaut, à coup de savate, une vie d'amour pour $2 finit sa vie. Un peu après dans le ghetto, on l'a retrouvé et ses yeux mortis, c'est trop. Au petit jour dans le ghetto, déjà au loin, les cris de la radio. La ville éclate, le petit jour mange la nuit. La ville se meurtre de salauds, bel alibi.